20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Vald. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine, cette semaine de Noël avec le cadeau. Il est déjà là, c'est Vald qui est là avec nous entre 20 et 21 tous les soirs sur Skyrock, le live vidéo, le Skyrock FM pour mater les images avec l'application Skyrock FM. Vald et son projet NQNT. Envoyez vos messages avec le hashtag Vald sur Skyrock. Comment va Vald? Vald va très bien. Vald est en forme. Et je me disais, comme c'est la semaine de Noël, si on fait un cadeau aux gens et on parle pas trop, et au lieu de se présenter avec des longues phrases, on rappe. On parle pas trop là, comme les albatros. Avec des longs textes. D'entrée de jeu? D'entrée de jeu. Ah, t'es comme ça. Attends, t'es un mec comme ça, t'arrives, tu veux kicker d'entrée de jeu. Même pas joyeux Noël. Je m'hydrate pour l'occasion. Est-ce que tu es assez hydraté? Laisse-moi cracher vite fait. C'est dégueulasse. La semaine commence bien. Joyeux Noël. Maintenant, c'est ça. Que dit le CSA? Merry Christmas. C'est parti alors. C'est parti, Val, dans live tout de suite pour commencer la semaine. Si, NCH, t'es avec moi. C'est parti, je suis avec toi. Non, je ne rappe pas comme vous, je fais les donkey punch. Je voulais d'un autre gisme, mais j'assume comme ton filleul. Je vais mettre pris pour un génie avec une tarte atteinte dans le crâne. Je rappe car j'adore ça. Je suis le bar tabac d'orgasme. Bonsoir. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Skyrock, j'ai dit bonsoir. Bonsoir. J'ai mille doutes. Caché tellement de saules derrière ETC. Le CB ment à personne à part à se peiner. T'as l'air apeuré de la lever ta main pour Sullivan. Dans mes cauchemars, je fais des rêves où j'ai de la bonne foi sous les veines. Je demande de rester poli si j'horrifie vos iris aussi vite. Au mi-X, je te sollicite, glorifie sur mes faux vinyles. Ma jolie bite entre les cuisses et féministes. Question logistique. Que ce soit logique si elle devient trop virile. La vie de ma mère, tu peux niquer ta mère avec ta morale. Ça le fera pour ma chorale. Je veux des eunuques de Sephora. C'est déplorable peut-être, mais c'est mon art. De l'aide, j'agite mon art. Ballet, et c'est mémorable. Le même. 60 000 idées par jour, c'est compliqué de me décider. Concilier les consigner, les combiner dans le cabinet. Mec avisé, en vaut bien mille. On s'en branle. Je le serais si je savais ce que je faisais. Je le ferais autrement qu'on s'entende. Si je rigole quand tout va mal, c'est mon lub. Si je dis que c'est ma faute tout ça, c'est mon lub. Alors tu fais chier ma chérie, c'est mon lube. Pas question de zup toute la nuit, sans mon lube. Pour avouer toutes mes lubies, faudrait beaucoup de lube. Pour que t'aies l'air érudit, faudrait beaucoup de lube. Y'a pas de politique, y'a que des lobbies qui dosent à mort le lube. Tu sens rien parce que ça glisse, si ça passe pas mes du lube. Damn. C'est bien ça. Si. Ce soir avec vous dans votre foutue voiture. Ou dans votre foutue chambre, si vous avez branché la radio depuis votre PC. De la purple berber, Vendum et Dumber, j'ai gueule des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consonnes réputées pour tronçonner le truc. Purple berber, Vendum et Dumber, j'ai gueule des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consonnes réputées pour tronçonner le truc. Suce-moi, je suis le nouveau Big Rabbit. Tu piques ton vu qu'un pour un Big Mac. Vise ma pipe, je le clic-claque en personne. Je me plie pas en quatre sans que le clic parte. Je rappe une vie tragique autour des chips smart. Mon équipe cale la tienne dans une petite smart. Même si vous êtes plein. Je veux plus être là. Quand je jette la rime, ça sent le jasmin. Et puis les effluves de jasmine, j'aspire. Avoir son vagin dans un jet lag. Check-moi pour tout ce qu'on a subi, oui. Ce qu'on a traversé, oui. Les choses qui restent là, la tête dans le traversin. Raconte-moi ta version, même sous une aversion. Pleure pas, on crie en cœur. Niquer ta version. Raconte-moi ta version, même sous une aversion. Pleure pas en criant cœur, va niquer ta version. De la purple berber, Vendum et Dumber, j'ai gueule des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consonnes réputées pour tronçonner le truc. Purple berber, Vendum et Dumber, j'ai gueule des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consonnes réputées pour tronçonner le truc. Tu joues pour la Saint-Valentin. On a plein de buts comme une femme enceinte. Tu ferais même pas tes bras par des caïras dans le train. Me raconte pas ta vie, c'est une histoire sans fin. Viens, check, tu resteras en chien. Oui, eu le temps de Guilux, je prends l'amplitude et ça fait un paquet d'années maintenant que je trempe dans ce bidule. Et tant j'entends, je me tape des petites chiennes. Mais t'inquiète, je me les branle tous les soirs sur Jackie et Michel. J'ai plus toute ma tête, j'ai teasé toute la semaine. Je pourrais me faire des rouflaquettes vu que j'encule toute la terre. Je sais pas où ça mène, mais toi t'y seras pas. Bouffe ma merde si tu veux suivre ma trace. Viens pas croire que je parle encore de cocaïne. Je préfère mon style à ton rap de gros dead. Je nique des bonnes femmes, des pharas, faussettes. Je termine à l'arrache, y'a pas de problème. De la purple berber, Vendum et Dumber, j'ai gueule des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que du Merton Jordan. Et qu'on soit réputé pour tronçonner le cru. Purple, berbère, Vandem et Denver, Bagel et Burger. Ma seule peur, c'est consommer plus que du Merton Jordan. Et qu'on soit réputé pour tronçonner le cru. Je marche dans la rue comme un clochard, merde. Je rêve de revenir à l'époque des grosses pattes, des trop par terre, sauce ma terre. On dit que j'avais ta langue, sa langue à cauchemar. Des, je suis super vilain, je suis aussi beatmaker. Ah, tu le fais si bien, pourquoi ce beefsteaker? Je fais son beefsteak au complice du système. Je dis que si je perds, on va m'accuser de sucer le divin. Et si le succès vient, je veux pas que les bitches suivent. Même si je kiffe les bitches, je fais pas ça pour ces petites têtes d'œufs. Le monde a mille checks défoncés à la Mick Jagger. Le mystère c'est que je suis doux comme un grizzly. S'il vous plaît, les gremlins, un peu moins d'entrain. Toute cette énergie à ce rythme là, vous allez vite jouir. Elle est à qui la bite qui traîne là-haut? Juste à côté de ma gorge. J'écris que quand je fais grise mine. De la purple berbère, Vandem et Dunder, Jekyll des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consoles réputées pour tronçonner le truc. Purple berbère, Vandem et Dunder, Jekyll des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que Tim Burton. Je leur donne des consoles réputées pour tronçonner le truc. À la recherche de la prose qui tue, trop de l'os bifur qui se prostitue. Je démarre à l'arrache comme du cross biture. Si à tort je titube, c'est que je sors d'une bonne piture. Alcool et son dans mes veines, remballe ta grosse piqûre. Le cerveau s'est préparé des tonnes de fissures. À force d'enchaîner les dodges de OG pur. Travail acharné comme un gros qui sue. Récite mes parts, fresh out de box, tribute. Histoire de planer comme un tox qui se gute. Encaisse sa salle comme une lobe qui suce. Arrache ton corps minus. Avec mes rouges, diffuse une putain d'ambiance. Pisse aux airs de top mixture. Me petit truc, à trop te faire péter le cul, tu finis avec le coccyx dur. Fucking cul. Tu veux nous faire de l'ombre avec un flot de bisu. En plus, tu fais le gangster parce que tu crucifues. Folie dru, quand je kick avec mes gorilles, tu kills vu qu'au chromiche tu. Purple, berbère, Vandem et Dunder, Jekyll des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que du Merton Jordan. Des consonnes réputées pour consonner le tri. Purple, berbère, Vandem et Dunder, Jekyll des burgers. Ma seule peur, c'est consommer plus que du Merton Jordan. Des consonnes réputées pour consonner le tri. VLD sur ce maudit Skyrock, succombe Lazadé, INCH, Cro. Ah. Yeah. On la joue comme ça, les frères. C'est QFD, c'est une prod à qui? Tu peux rappeler le nom du mec qui a fait la prod? Succombe Lazadé à la prod. Merci beaucoup. Lève ta main pour Sullivan, je suis le cauchemar dans un jerrycan. Je dédicace mon trou de balle le soir flotte façon Steadicam. Véritable en tout point, main droite sur mes périphrases. Pas besoin d'être infidèle, mes snuff movies sont impérissables. En perpétuel décalage, je fais des lèvres façon Zetanam. J'ai séquestré mes voisins qui s'entraînent à faire du gangsta. Impossible à cerner, je fais des siestes quand tu fermes ta gueule. Mon pote, on est pareil, je sais que tu m'aimes, et quand je gère, t'as le seum. C'est Skellington, nouveau flingueur de 16 bars. Mr. Jack O'Mike alias le désingueur de Fespal. Slacker incontesté, façon branleur conteste pas. J'ai des soucis, des broutilliers, des tons. Intercal, vert pâle, je suis lamé. La minère est presque calibrée. Je suis fatigué de m'agiter entre panique et fiscalité. Marqué par toutes ces heures enfoncées dans mon canapé. Harassé, je suis fascinant, façonné, façon arraché. Ça me chagrine, mais je vous emmerde tous à parler fou. Je suis rebelle, mais je m'en bats les couilles. Fais ta vie, mais prends pas mes sous. Disons-le, ça résout beaucoup de choses de finir dans le sang. J'ai plus envie de gonnerie. Lisa Anne fait des gangbangs. Tes conseils dans le vent, la pureté noyée dans le champ. M'attraquer des têtes et peut-être que je pèterai des schnecks dans le champ. J'aurai des dettes, rédemption. Moi, des faits indéterminés pour me faire flipper. Allume avant que le journal soit terminé. Ça fait, les gens se la pètent pour mieux récupérer. Ça trouve du charme à la misère, se la monter, ça fait plus rêver. Ça c'est mes flots sous scellés, c'est d'art le rap et tu le corré. Comme enculé des culs serrés, c'est QFD. Sully, VA, L, D, Sully, VA, L, D, Sully, VA, L, D, Sully, VA, L, D, I, N, C, H, A, D, I, N, C, H, A, D, I, N, C, H, A, D, I, N, C, H, A. J'bouffe des Holden, passo devant la saga so. Les Hellraiser correspondent à 3 semaines façon Talasso. J'ai pas de réseau et ça me fait rien vu que j'ai pas l'ami. J't'ai maudit toute la nuit mes sourires quand on se fera la bise. Ouais j'dis pas ce que j'pense mais pense à chaque fois ce que j'dis. Tous ces faces de speed, les traces de string pendant les classes de ski. Les faces que j'kick sur ma stabilité. Allez agis vite et c'est classique. Demain c'est loin face à 5 lattes de spleen. Face à Saint-Drap j'fais aussi des rituels voodoo. Je perce les yeux des poupées bourges qui se mettent à jouer les zoulous. Des fantômes se mettent à débouler. Me chantent que le temps s'écoule. J'vais bientôt disparaître si je garde mon clavier verrouillé. Putain, je suis pas bien, je vais me remettre au stèle. Je perds des potes qui comme ta chasteté sont pas des grosses perles. Les mecs faudrait faire chose qu'elle. Ma mère m'engueule en gospel. Les rappeurs tapent des post game, Michael Myers sur mes posters. The Fab Broliquier synchronisé, la fusion de gros prolis métropolisé avec Freezer alcoolisé. Je prolifère même preluquer. Les vices font que de reluquer. La Palestine c'est chiant, c'est mieux les PD qui se font relooker. Je vais prendre du smecta, j'en ai plein de cul, des bons à rien qui se donnent un spectacle. L'esprit tordu, j'essaie quand même de la jouer mec stable. J'ai que ça s'arrache les cheveux en écoutant mes freestyles. Et c'est toujours VLD sur ce maudit Skyrock. Le Facebook c'est VALD. Le Twitter c'est VLD-LD. Okay, et l'Instagram c'est VLD Sullivan. Avec une introduction métaphorique, voilà. Jouer les loups-bars. C'est bon, pour les putes. Vrai, VL. C'est vrai que c'est un truc de chouin, non? Ouais, on est tous des loupards, on est tous des tarlots. Je suis pas un fils de pute de smiley. Ça dépend du moment. Je suis pas aimé, fils de pute, tu dis que je suis un fils de pute de smiley. Mic check, je suis pas un fils de pute de smiley. Stylé, artefacts claqués, classés, cassés, éclatés. Range tes joints de paille, pour ça j'ai mes cheveux. Ma famille fait des tueurs en série, demande à mes neveux. High kick dans l'oreille, pas si coloré, je farcis le colonel. Je tartine les commères, barbe de golem, je tarte les collègues. Le shit me donne le cuit de Ségolène. Phénomène des néants, d'élégance, d'éléphant, dorénavant fainéant, générant l'élément d'échéance, fait des campestes, le chanvrain, hey, son père. Fiston, j'mise un carreau, j'suis l'MC bûcheron. Pulco, soit Gastaroth, le soir j'bédave des buissons. Mes pulsions, force à écrire des textes que tu ne capteras pas. Rap ta life, mais fais pas le Marvel si t'es rap ta mal. Le 15 avril à la maroquinerie, le 15 avril, bordel. J'suis pas un fils de pute de smiley, stylé, fils de pute qui disent que je suis un fils de pute de smiley. Je suis pas un fils de pute de smiley. Stylé, fils de pute qui disent que je suis un fils de pute de smiley. Wesh. Je repars du bon pied, je vais te faire une demeure consciente. Les schlacks s'envolent, les depths s'enculent, nos darts sont certains qu'on se plante. Comprends la constante constance qui me représente, source et le front sans or. Prends pas la confiance, je t'encule. Question de bon sens. Range tes mélodimales, des bédoginales, tes gaz au final, machinal, beat dans Godolina. C'est abominable, comme un crime paille abdominal à la cantine de l'hôpital. Hein. Nique la pop qu'une autre pédale a écrit. Je suis pas aigri, je suis attendri par les pétasses, paraît-il. Avant de dormir, je me coupe les veines pour tout ce que j'ai pas fait. J'ai rien vu de neuf à part de nouveaux boules se faire baffer. Je crois que je fais pas du rap, je fais de l'art trop détraqué. Mais jamais d'arthrose de phrasé. Frenons tes flasques et dépassé. Je mets des Dinizac, enfoiré, je suis intégré, humeur de dirigeable. Mossadé, je pense qu'à flotter, j'ai poireauté toute ma vie, observer tous mes plans capotés. Espèce de baltoqué, est-ce que t'as vu comment t'es fagoté? Oh. J'suis pas un fils de pute de smiley, style. Fils de pute qui disent que j'suis un fils de pute de smiley. Bonjour. Bonsoir. Soir. Quelle présentation d'entrée de jeu. Bienvenue Vald. Merci beaucoup. Ça va? Présente-nous un peu les acolytes à tes côtés. À ma droite, chez INCH, sérieux beatmaker de fou qui est ainsi, qui est aussi mon DJ, autant pour moi. Et qui rappe, on l'a et vu. Et qui rappe également. Qui rappe des imbécilités. Oui, faut bien le préciser. Ça. Et c'est marrant, c'est que tout le monde bafouille. À ma gauche, Succombe Lazadé. Merci. À ma plus gauche, Kaero. Succombe Lazadé, si on peut résumer aussi, beatmaker. Il a fait ses QFD, il a fait ses pours dans le projet NQNT. Oui. Il a fait tout un tas de choses en réalité. C'est lui mon seul feat du projet. Voilà. Pro, le gars sûr qu'on voit tout le temps. Vrai MC. Encore à sa plus gauche, il y a Mercus. Après, on fait le tour de la table, il y a Fred Musa. Oui. Après, il y a un Bookzer, je le connais pas bien. C'est celui qui est censé s'occuper de la vidéo, mais finalement. Mais il a l'air utile. Ah, oui. Ouais, les vidéos sont dispo tout de suite, on peut mater les images. Oh, génial, il s'appelle Anthony, si vous voulez. Anthony. Anthony, voilà. Dédicace à Anthony. Donc, Anthony, qui est là avec nous et qui balance le flux vidéo sur Skyrock FM, sur l'application Skyrock. Donc, l'album est dans les bacs depuis quelques jours, quelques semaines. Attention. NQNT pour. Ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Tout à fait. Voilà, on va lancer d'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour NQT, n'hésitez pas à nous les balancer, hein. 41 759. Il gagne quoi celui qui a le meilleur NQT? Ah bah ça, c'est à vous de décider, hein. Bon, il pourra s'en targuer. Ouais. Il pourra s'en vanter. Le trophée sera décerné en fin de semaine. N'hésitez pas à balancer avec le hashtag Vald sur Skyrock. Et Vald, pour résumer un petit peu l'album qui est sorti, on a préparé un petit medley. D'accord. On l'écoute ? Vas-y, viens. Ça te dit ? Ouais, ouais, vous avez travaillé, venez, on vous respecte. Allez, on balance le medley maintenant de Vald sur Skyrock. C'est pour mon fusil, sous ma boîte à fusibles, que j'utiliserai que sur les concepteurs de Uzi. J'fulmine, c'est pour Inch, Nasdal et Altarpa, frère c'est Sully, van la voix de la survie. Sors le bourdon, j'arrive, non mais bourgeon de trêve, j'braque les fourgons de la brique, savez-vous qu'on pèse tout. Où ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Où ma clique passe là, fous le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Attention les gens, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre. Si tu veux quelqu'un, frelon, shoot un ministre. Tu fais peut-être un truc bien, frelon, shoot un ministre. J'pèse le monde comme un autiste, j'pèse le monde comme un autiste, j'pèse le monde comme un autiste. Au lit, faire de l'ombre, c'est la notice. Oh oui, cher, selon l'état de folie, j'perce le tronc, c'est l'euphorie. J'pèse le monde comme un autiste. Peut-être que bon, c'est pas joli, joli. J'ai peur, j'ai pas de congélateur. Je prends jamais de congé ma gueule. Venez pas me ronger la tête sans même longer la feuille des yeux. Putain de sa mère, j'ai plus faim que la veille. J'ai plus d'un putain de salaire. J'écume bien plus d'un paquet. Quand survient la scène, tu schlingues la fesse. Putain de paquet. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire, tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe, bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre ou l'inter. Appelle-moi vie de cochon. Quoique je pensais comme ça allait en départ. Un gramme dans l'encéphale, en apnée dans le décor. Chicherap, les bras des morts. Ça te plaire, hein, c'est moche. Car je sais que ça te fait jouir quand c'est horrible. On est sous que c'est mille dollars. NQNT ma gueule. VALD. J'ai laissé le temps, mon ami le sang. J'ai laissé le sang sur tous les lits de blanc. J'ai laissé le temps, mon ami le sang. J'ai laissé le sang. J'suis pas un fils de pute de smiley, j'taille. Fils de pute qui disent que j'suis un fils de pute de smiley. J'suis pas un fils de pute de smiley, j'taille. Fils de pute qui disent que j'suis un fils de pute de smiley. Ouais, la vie doit m'chanter. Ouais, la vie doit m'chanter. Ouais, la vie doit m'chanter. Ouais, la vie doit m'chanter. Ouais, la vie doit m'chanter. Même sans j'bouffe des Holden Poisson devant la saga Soul. Les Hellraiser correspondent à 3 semaines façon Thalasso. J'ai pas de réseau et ça me fait rien vu que j'ai pas d'amis. J't'ai maudit toute la nuit mais sourirai quand on se fera la bise. Ouais j'dis pas ce que j'pense mais pense à chaque fois ce que j'dis. Tous ces faces de spi, les traces de string pendant les classes de ski. Les faces que j'kick sont ma stabilité. Allez âge et vite et c'est classique. Demain c'est loin face à 5 lacs de spli. Voilà un petit aperçu de l'univers de Vald à découvrir cette semaine entre 20h et 21h, ça va? On n'a pas dénaturé, tu es content? Ouais non, vous avez fait un bon taf, les peu pro, peu des pro. Bonnes coupures. Nickel. Prends-en de la graine, Inch. Voilà, Inch. Oh, il attaque en qui sera au platine cette semaine entre 20 et 21. D'ailleurs, je crois que tu vas repartir en live d'ici quelques minutes. C'est... Ce soir, t'as dit, ouais, je veux pas trop parler, c'est ouais, début c'est de semaine. C'est... Tout à fait, si on peut repartir tout dans quelques minutes, quelques minutes. Ah oui, il va y avoir un petit peu de pub, on va mettre aussi peut-être aussi un extrait de l'album. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Mettons Vite cochon. Partout Tatis, c'est bien. Ah, Partout Tatis. Ouais, c'est bien, Partout Tatis. Et bah Partout Tatis, ça arrive dans un instant. Vald, alors vous êtes nombreux aussi à demander, est-ce qu'il va y avoir une tournée en 2015? La réponse est... Alors effectivement, nous avons une tournée et on peut déjà, d'ores et déjà vous donner les dates. Alors qu'on te communique à l'instant même. Le 23 janvier, nous sommes au Ferrailleur, à Nantes. Le 14 février, au Cap, à Aulnay, 6693. Le 21 février, nous sommes au Filset, à Magny-le-Hongre. Le 7 mars, au Canal 93, à Bobigny. Le 13 mars, à la Lune des Pirates, à Amiens. Le 20 mars, c'est à Noumatrouf. C'est le Noumatrouf, à Mulhouse. Le 28 à la MJC Honnête, à Honnête le Château. Le 9 avril, nous sommes au Grand Mix à Tourcoing. Et le 15 avril, nous sommes à la Maroquinerie Paris. pour une super date où nous sommes les têtes d'affiche. Une date. C'est très agréable. Une date donc le 15 avril à la Maroquinerie à Paris pour celles qui veulent retrouver en région parisienne. Exactement, Valde, Paris, ouais. Région parisienne. Alors ça commence à venir les NQNT. Je vais arriver nos quartiers notesses. Nos quartiers notesses, ouais, c'est mignon. C'est bien. Ouais, c'est mignon. Après, c'est un peu du déni. J'ai vu un ni quick ni trave. Ouais, ni quick ni trave qui est passé. Ça, je vois pas très bien l'affiliation entre les deux, mais. Pour vivre sainement, quoi. Pas de quick et pas de trave. Pas de trave, ouais, c'est le côté bio de, encore sain de dans l'album. Un ni quick ni trave. Oui. Ah, ça y est, ça monte. Ni trave l'eau. Exactement. Voilà, d'accord. Ah ouais, d'accord. A priori, hein. Ouais, c'est bien. S'il faut tout expliquer, tu le dis, parce que c'est chiant à force. Tu vois. NQNT, si vous avez une idée, hein, vous aussi, je rappelle que c'est ni queue ni tête, mais n'hésitez pas à faire vos propositions avec le hashtag Vald sur Skyrock, le 41759. Bougez pas après la pub, on sera de retour sur Skyrock, ce sera avec le morceau Partout Tatis. Si, si. Eh ben, c'est après ça. Comme toi. Vald a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. LOR, je t'oublie pas. Jamais. Succombe blaze. Reste fort. Toujours. BBP, Dollar, INCH, Nathan, ROC, Giorgio, DF, Bazou, Rabakar, Screech, Goon, Jarod, Will Sketch, L'Animalerie. Tout le monde, tous ces gens, Sirius, le virus le plus sérieux. Fais pas de zik, pédophile satanique pour le Zeyo. Juste au cas où que le très haut rapplique, m'explique qu'il existe et que mes codes vont plaire au caveau. De l'enfer à jamais, de l'enfer, je ramène, c'est mes rimes, je te jure, ça ranime. Même ta mamie, ça va vite, ça fait val des bulles. La fuite vaginale à la rive, c'est la vie. Serre, chaque anniversaire, j'ai de nouveaux MC pour mon dessert. Je vais finir au baisse des vidéos de teint aigri des autres mecs, comme un ovaire féministe. Vous me faites plus rêver, ça m'énerve, j'aimais bien. Bien sûr que j'aimais bien, c'est Gus qui me parle et de rien, de pute et de bien. Bien plus que de bien, oui, de bif qui se gagne. Dans des districts mystiques, à l'heure où les villes-ci se battaient pour des sixties. Chargé que j'ai la peau d'un mec né dans les sixties. Oui, fils de pute, c'est moi caché. Donc tu vas tâcher, bien faire gaffe à ta moustache et pas me fâcher. Ou ton polo tapette, je vais le tâcher. T'aspèche. Sors le bourdon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. Je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, fout le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, fout le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive. Dans mes bourgeons de trêve, je braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Ma clique passe là, fout le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre. Ma clique passe là, fout le cri de joie, barre, tout t'attise pas, barre, tout t'attise. Okidoki, j'dogin vorim, vos stylo big morve. Okidoki, j'dogin vorim, vos stylo big morve. Okidoki, j'dogin vorim, vos stylo big morve. Flody m'en dit, son stylo mic, j'ai le stylo big orve. J'ramène la paix comme une bombe nucléaire. Maçon sur mes nerfs, niaxon sur mes lèvres. Chaque seconde j'évolue, car dans le bulletin ex, j'ai mis l'uranium. Quand j'possillonne, j'casse tron, nuque et tête. Oui, tron, nuque et tête. Tron, nuque et tête, j'casse tron, nuque et tête. Quatre fois, j'fais le don du décès à chaque strophe. Plus d'or, j'ai ma tombe à custom. J'vis dans un film érotique où les figurantes s'excitent même plus correctement, c'est le bordel, je te mens pas. Faudrait que tu vois ces beats, j'ai mis pour un modèle de montre suisse. Suis pas la troupe, c'est le suicide à la fin du sursis. Survivre, c'est mon premier succès. Je fume sec pour soigner mon ulcère. Je tire du bif à l'industrie. Super, Sullivan, clope sévère, corse sévère. Chope tes pères, c'était Gol Degger. Je l'ai fait ken par des Rottweilers. Quand leur sang croit, je connais tort. C'est le rap pas mal et j'ai plein de remèdes. Toutes ces putes dans du barbelé. Ouais, c'est sûr, c'est de là à peu près. Mais c'est pas le problème. Sullivan, Rottweiler. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. J'braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Partout ma clique passe là, fout le cri de joie. Partout t'attise pas, partout ma clique passe là, fout le cri de joie. Partout t'attise pas, partout t'attise. Sors le bourbon, j'arrive. Non mais bourgeon de trêve. J'braque les fourgons de la brique. Savez-vous qu'on pèse tout. Partout ma clique passe là, fout le cri de joie. Partout t'attise pas, partout ma clique passe là, fout le cri de joie. Partout t'attise pas, partout t'attise. Tu te calmes tout de suite et tu prépares tes arrières, mec. Fais très attention à ta bouche lâche. Ouais, vous m'aurez cherché. VALD. Super. Lève ta main pour Sullivan. Et la baisse plus jamais. « C'est Val, notre invité toute la semaine avec cet album NQNT, un extra à l'instant partout à Tis sur Skyrock à découvrir. Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Val, vous allez pouvoir découvrir un univers, un personnage. Excellent morceau clippé d'ailleurs. Qu'on peut aller mater. Tout à fait. En sur allant, YouTube. En allant cliquer. On le disait aussi dans la promo de Planète Rap pour ceux qui vont te découvrir. Derrière toi, il y a aussi Tofa. Derrière. Le célèbreissime Tofa. Ouais, enfin il me produit quoi. Il te produit. Ouais. Enfin, derrière toi. Ouais, on s'entend. On s'entend, façon de parler. Tunisiano aussi, c'est vrai que Tunisiano, il arrêtait pas de parler de Vald. Tout à fait. Parce qu'il a un œil sur ce que je fais également. Et le bon, ouais, tout à fait. Le bon œil. Oui, donc ce sont des gens avec qui je travaille totalement. Mmh. Bien, c'est bien passé avec eux, rien à redire. Ouais, non. Tu vas continuer l'aventure ou... Bonne ambiance, hein. Bon délire les mecs et tout. Hein, bien, franchement bien. Bon, dans un instant, Val repartira en live ce soir, c'est spécial live. Il nous a dit quand il est arrivé, Val, moi je vais rapper ce soir, pas trop parler. Totalement. Donc dans un instant, avec tes acolytes qui sont là, il y aura encore du live. Et là par téléphone, c'est l'heure du freestyle par téléphone avec Taz de Nantes. Salut Taz. Salut. Ça va bien? Tranquille et toi? Ouais, du côté de Nantes, tout se passe bien? Non, il y a eu un truc chelou là. Oui, j'ai vu. Là. J'ai vu, ça vient de tomber. Putain, attends, le mec a foncé en bagnole sur un marché de Noël. Je crois qu'il y a des dizaines de blessés encore. Bon courage c'est à vous tous. Amis Nanterre, en tout cas, ouais, sale en ce moment. Très, très sale. Ce qui se passe, écoute, on souhaite qu'il y ait que tout le monde puisse se rétablir le plus rapidement possible là-bas du côté de Nantes. Et on vous souhaite bon courage à tous ceux qui étaient là-bas du côté de Nantes, notamment au marché de Noël. On va suivre ça évidemment. On va t'écouter rapper toi par contre Taz. Ça marche. Si tu veux bien, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Session freestyle avec Taz. Hey. Hey. Tiens, juste comme d'hab. Ça fait. Hein. Je quitte devant à l'avantage, j'ai mis 10, le vent est ravale ta bitch, ravale ta bite, médicament sur mes sons dupliques, les vantardises, mais je quitte les bits à la mandoline. Vite, on est prêt, c'est quitte, tous mes textes, c'est vite, les bitches pour mieux les baiser. Vite, épiter ce shit que je perds, ta petite amie te raconte que nénie quand elle vient voir, elle va prendre l'air. Mais je reste un artiste autodidacte, trop peu divague, mémoire, radio, c'est mon tétonneau qui mate avec la reconnaissance, les jambes, elles partout plus facilement. Capitulant, tu vois, t'as décapitant, tout est MC, j'en ai pas 10 ans, raconte pas ta vie une fois sur le divan, fais un vœu quand tu me vois, je n'ai pas le filant. C'est vite la vie, c'est péché, surtout c'est péché. Je suis pas dans le cœur, mais t'as tiens, je vais me pécher. Je te prendrai pas pour un CDI. Tu m'appelles pas des biens, c'est vide. Et j'en ai rien à foutre, tu peux dire entre ces lignes. Et ouais, mon gars, je suis déjà immense. Oxmos, trop de flow, c'est ce à mon mode. Je crois que c'est trop lourd. Hey. Hey, Taz, à l'instant. Bien, pour commencer la semaine, non, les gars? Je prends pas trop. C'est pas une trot de Gizzy Ouzou, ça? Si. Eh oui. Et normal même le morceau, tu as raison. Très bonne oreille, bravo, le blind test est gagné. Bon bah voilà, je gagne quoi? C'est rien pour l'instant mais... Bon d'accord. D'ici la fin de semaine, il y aura peut-être quelque chose. Merci à toi Taz. Ah tiens, merci. Il me restait, c'est vrai que j'avais pas tout filé la semaine dernière. Urbanlocker.com, le site numéro 1 là, sur les ventes de fringues hip-hop. 100€ en bon d'achat pour toi là juste avant Noël, cadeau, on t'envoie ça. Avec casquette qui va avec. Taz, 100€ en bon d'achat pour aller sur le site urbanlocker.com. Qu'on remercie d'avoir été nos partenaires d'ailleurs la semaine dernière. Bravo et merci à eux. Merci à vous. Taz, petite dédicace, on peut te retrouver sur le net, on peut te suivre? Ouais, tu peux me retrouver sur YouTube. Ma chaîne c'est TAZMEC, TAZMEC. Sinon, tu tapes Taz sur Facebook et tu me trouves normalement. Eh ben merci à toi, Taz. Dédicace ou pas? De quoi, pardon? Je peux faire quelques dédicaces? Vas-y, on t'écoute. Une dédicace à mon social, on pense à lui. Nilton Prince, Woody, les gars de Nantes, tout ça. Et aussi une grosse dédicace à nos défunts, on les oublie pas, on pense à toi. Merci à toi, Taz. Passe une bonne soirée. Merci à vous. NQNT, c'est à découvrir. Tiens, on nous propose Nous quittons nos testicules. C'est, c'est bien ça, c'est beau. Ah, c'est pour ça que tu t'agitais sur Ça veut dire quoi? C'est bien trouvé ça. Pas mal. Nous quittons nos testicules. Là, c'est le haut du panier. Là. Ah, celle-ci peut concourir. Bah, peut concourir. Ça veut dire quoi? Ah ouais, d'accord. Ni queue ni tête. Ça peut le faire. NQNT, nous quittons nos testicules. Le compte est bon, C'est pas mal. C'est des chiffres et des lettres, le truc. NQNT. Allez-y pour vos propositions avec le hashtag 41759. Le hashtag, pardon, c'est Vald sur Skyrock et le 41759. Pour ceux qui utilisent tout comme toi, Vald, les SMS, parce que toi, t'es plutôt SMS si je m'en réfère à ton portable. Donc il y a 3310. Ouais, mais ah ouais. Il passe les appels aussi, mon portable. Oui, pardon. Ouais. Et il n'est pas tout neuf, mais tranquille. Mais t'arrives quand même. C'est essentiel. Parce que toi, on t'a aussi connu beaucoup sur le net, avec les vidéos, avec les freestyles, avec tout ça. Donc, tout à fait. T'arrives quand même à les poster. J'arrive à les poster, ouais. J'ai un Minitel à la maison. Je me débrouille. Mortel. Parfait. Bon, Valdo, on continue en live ? On continue en live juste avant. Rappelez aux gens, si vous aimez ce que vous entendez depuis le début, retrouvez-moi sur Facebook, c'est V-A-L-D. Vald. Tout à fait, V comme Véronique, A comme Arnaud, L comme Léonard de Vinci et D comme De Vinci. Le 15 avril à la maroquinerie, les mecs, venez, on repart pour un freestyle, on arrête de raconter nos lives. Merci. Le CD sur iTunes, sur Google Play, en physique sur VALD.tv. Marilyn Manson à la prod. VLD avec moi, sous combo Lazadé, INCH, BBBL dans l'or. Ok. La fête est finie, mes rêves sinistres me définissent. NQNT, ça des fenêtres, même les décès cliniques. Pas de BR sur mes blinis, flûte, le teint livide, faut que je m'affilie. Au peu qui porte pas de bikini, je défouraille le temps avec des choses qui tuent les mœurs. Crever, c'est la plus dure épreuve, tu te sais cum bien trop bizarre. Autour de moi, les gens sont blessés, comme baisé par ton rilal. Au final, y'aura jamais assez de crime dans l'acropole, frère. Alors je rime comme un gros porc, ma gueule, je suis Cartman dans Kill Bill. Ton pare-balles fait grise mine, je ramène la joie. Je fais au crackman des guinées. J'ai des manières de psychopathe. Je passe des rimes au calvaire. De bricoler des glacières pour frissonner. Ouais, va te faire immoler. Qu'on se tape une franche rigolade, mec. C'est moins cher que le rhum citronade. Frère, je suis fort, mémorable. Je roule en hors bord. J'ai des œufs à offshore. Des soucis hors normes. Ta mère la Strauss-Kahn. Je vis dans le Mordor où tout le monde a la frappe. Et les yeux de Bioman. Grosse époque. Tu votes encore bloqué comme le moustique dans Jurassic Park. Perds tes rêves en un éclair à la Frankenstein. Je caresse mes cicatrices, remets ma frange et je taille. J'aime bien les chips aux chips, c'est quand on me prend pour un choupa choups. Même les chicots sales, j'ai resté chic aussi. Le chichon bout, mon cœur a le frigo vide. L'appel du fric oblige, que dalle. Solidaire, j'ai déjà chichon bout. De connecter, mais c'est pas de l'eau vitelle. On t'épargne nos vies de merde. On répartit nos biens en cramant l'eau Pinel. Viens voir la vie en rose orange mécanique. Les vautours vont bader. Quand je vais canner, y'aura trop de notaires, de nécrophiles autour de ma dépouille. Je veux bien faire de la pop, mais j'ai pas le trou de balle fait pour. Non, ma poésie se la pète et parle de moi de temps en temps. Les mains moites dans l'ensemble, gros, je craque quand j'entends qu'on est dans le plasma. Survie devant le plasma, je fais rap parce qu'on se parle pas. Les saveurs planent, on s'aime. Trop de semences, on sait qu'on s'aime pas autant qu'on aime. Les frères disparus, j'ai des concepts, concerts. Genre foncer dans le fossé en criant nique la grand-mère à Claude Guéant. Mais ça ferait pitié. Et puis je suis sûr qu'avec du pouvoir tu ferais pareil, en faisant semblant d'hésiter. J'en suis sûr que tu ferais pareil. Alors ferme ta gueule quand tu parles de politique, petit ingrat de pute qui ne connaît rien. Sache qu'on suce pavé parce qu'il sent le fric. Je fais pas de tube espagnole à la Gustamé, mais elle est cool ma merde. Allez vas-y je t'en prie, fais un feat avec moi. Tu feras le plastique dans le shit. Snitch. Partout, pa pa pa. Ting tong. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Balance nous dick donc frère. Ok, c'est parti. Notre Gacro est là. Ouais c'est bon. C'est une putain d'exclu. Oui c'est une exclu complètement. Même pour nous c'est une exclu. Avec INCH à la prod j'ai bien l'impression. Ouais. Mais d'où vient ce sample? Alors qu'est-ce qui fait que ces hommes sont célèbres? Je pense que le talent, il est pour quelque chose. Le talent, oui. Le génie, non. C'est pour ça qu'ils ont peur de moi. Ils savent que j'ai du génie. Je viens pour étouffer le buzz. Je vais pas me soucier de ceux qui bouffent des queues. Ou je touche des euros pour mes vieux. Ou je vais creux. V'là un colis odorant. Sale scolopendre. J'écouterai pas ton produit. J'ai pas trop le temps. Scatophile en Nike Air qui sent la piste dans le rap game. Sartek. Si t'écoutes mes couplets en fait, j'en lâche mec. Réponds quand je t'appelle. Je peux faire toute ton équipe en galère. Si tu veux la bagarre, demande à F. Arrête, t'es pas en forme. Cesse de te branler sur moi. Je suis comme toi en forme. Mon troisième et rougit lorsqu'il voit le vide. Je fais de la voltige et j'enregistre à poil. Bitch, bitch. Même l'ingé son se mâche les ongles en espérant que j'aurai remis mon caleçon. Quand je vais, tu sors de la remise en face de la cabine. Si ton garage habite Baratine, sors la carabine. Oh, hey. Je suis maire de King Kong dans du papier journal. Journal, j'y vous le fais ding dong. Ding dong. T'ouvres la porte et tout pâle. Tout pâle. Tu vois le truc, tu dis non. Putain, faut que j'étouffe ça. Touffe ça. J'y fous le pied et puis. T'as les souliers tout ça. J'ai devant ta porte. C'est pas mon bail de m'expliquer en faisant de grands rapports. C'est le mieux que j'ai trouvé pour marquer sans parole. Promis, je penserai à ta grosse gueule en attendant que ça sorte. Et de passer le maximum en espérant que ça colle. T'as dit genre. Prends la corde. Gros. Yeah. T'as perdu le fil, yeah. C'est pas grave, viens. T'as le cigare au bord des lèvres. Tu veux du feu. J'allume ta mère qui t'a dans l'air. Quand c'est encore plus mieux. T'as l'air en stress petit mais t'inquiète. Je suis encore plus deux. C'est tant que tu te tais. Je me sens bien mieux que dans ton étang du feu. Je te chie dans la bouche. Faut pas que tu me suces. Tu chuchotes avec. Tu veux qu'on a le style dans la bouche. Je te chauffe dans. Bon, j'ai oublié mon texte moi aussi. On a le même syndrome. Sky High. Je lâche une merde de King Kong dans du papier journal. J'y fous le feu, ding dong. T'ouvres la porte et tout pâle. Tout pâle. Tu vois le truc, tu dis non. Putain, faut que j'étouffe ça. Touffe ça. J'y fous le pied et puis t'as les souliers tout sales. Là, je nous félicite pas, les gars. Honnêtement, surtout toi et moi, franchement, faut qu'on aille se confesser après parce que c'est mauvais. Voilà ce que j'appelle de la magie. INCH à la prod. INCH, est-ce qu'on a pas un autre morceau avec toi à la prod? Bah ouais, s'il y a ça, ouais. Montre-moi, frère, montre-moi. Bah, je te le balance, écoute. Tu le veux maintenant? Bien sûr. Ok, bah c'est parti. VLD. NQNT, bang. Et tu le sais. Poto, c'est Sullivan qui casse la baraque. Si tu le croises, esquive-moi. Je suis en manque de fric. Il m'arrive de graille du whiskas pour le goût de pâté. Si un de mes petits doigts bouge, cassez-vous. Tous mes couplets fous. Pirate et pouce, café, je vous la mets. Ou toujours la même houpette depuis le journal perso. Je paierai, je vous agresse. Ou bien trouve l'intel, PD, trouve un thème. T'attends que la zig donne un sens à ta vie. T'aimerais bien Kathleen sur l'avarice. Ou bien le trou de balle d'Athalie. Sur mon pouvoir d'analyse. Oui, mais Nathalie, il veut des bises. Ou jamais je me ou pourtant j'ai pas la ligne. Et puis je suis sous souvent du camp des bourgs souffrants. Je fais des rimes et bouge tout plein. Hein, je clarifie l'action. J'ai ce pera dans la peau. Je pose pas des 16. Je fais des vilaines scarifications. Je taille d'ici. Oui. Pourquoi je m'investirais? T'es là, t'imagines ma course. Mes aspirations pyramidalement. En haut, on voit Wald. Ensuite Goldman Sachs. Ensuite Goldman Sachs. Et puis loin derrière Obama. Oh my god. En une prise, c'est dans la boîte. J'urine quand ta boîte. Shoot un ministre, mais si tu vois mal, enfoiré, shoot un pupitre. Tu fais peut-être un truc bien, mon frelon. Shoot un pupitre. Trop de corrompus, s'enfile des cactus à l'assemblée. Ça doit être chiant, mais de surfer sur la tue. D'avoir bac plus 15 et rien branler. Y'a de la gamberge au micro. Prends les gants dès que je vomis trop. J'ai de la tendresse aussitôt. Vu que le temps presse, vomito. Domino, je fais crédit. Même au lido, je fais crédit. Non, j'mito, je déguerpis. Je décrépis, ça fait longtemps. Roulant starpette, pachyderme. Trop souvent saoulé. Pour garder des ch'tecs, faut devenir taxidermiste. J'sais pas si t'aimes, mais t'as l'air contaminé par une phase qu'ils n'ont validée. VA, c'est un film d'auteur sans APN. Un genre de légende urbaine. Viens nous voir tes chants sur scène. Tu vas perdre les dents poulettes et tes grands conseils. Oui. Je devais faire de grandes études. Au lieu de ça, je décuve dans des cuves. Sous prétexte qu'une vie, j'en ai qu'une. Tu crois que Belzébuth a quelque chose à voir avec ce train de vie diabolique? Or, ce n'est qu'une pâle copie d'excuses. Tellement d'esprit dans ce que j'écris. Je décris des arabesques. Ça rabaisse des MC. Fébrile comparé. La pêche, 13 000 manquent à l'appel. J'suis festif d'envoi la merde. Hey, ma seule activité, c'est ma captivité. Je nous sens grave divisé. N'essaie abdimité. Le B.A.B.A.T. l'initié. V.A.L.D. sur ce foutu Skyrock. V.A.L.D. V.A.L.D. sur tous les réseaux sociaux. N.Q.N.T. sur iTunes. N.Q.N.T. sur Google Play. N.Q.N.T. sur Amazon. N.Q.N.T. sur Vigirin. NQNT sur le site VALD.TV. Et ça, je vais en finir avec un truc un peu intime. Un truc un peu intime sur une prod de succombe blasadé. Depuis tout à l'heure, je dis. Les conneries. Je parle pas trop. mais je pense que c'est le moment de me livrer un petit coup. Fait que l'autre fois, je vais pour me chercher un grec comme ça. Puis j'arrive au comptoir et la chipac, le gars, il me dit non, non, on prend pas la CB. Non, non, le gars, il me dit ça d'abord. Ah ouais, ah bon? Il me dit non, non, on prend pas la CB ici. Ah merde. Ah, je dis ok. Enculé. Alors je me dis, je vais chercher une tirette. Et sur la tirette, il y a un miroir et ça me fait ça, ça me fait. T'es qu'un branleur, tu penses qu'à toucher la bite. Sèche les cours pour aller t'acheter des cartes à jouer Magic. Hey. Même pas bon dragueur, tu te frottes sur des pneumatiques. Toujours fatigué parce que tu tapes des queues la nuit. Puis par principe, tu te réveilles, mais t'es tout le temps avachi. Souvent de 7 à 7, tu bailles parce que la vie c'est pas facile. T'attends que la rime derrière l'esprit, t'espères vesquille, salaire d'usine. Mais t'es qu'une carcasse, des magazines de sapin dans ton cartable insupportable. C'est que t'emmerdes les gens avec ton sarcasme. Je te rechope devant des discours de Soral et je t'envoie Pascal. C'est tout le temps la même chose. Tu fais rien mais tu te reposes, t'abandonnes chacun de tes G-Pro, t'attends patiemment la nécrose. Arrête les bédos, les restos, kebab, les mots sur les dos de pétasse. Tu fais la déco, dégage, t'es bien dans le métro mec. Jour après jour, t'es de plus en plus mou. T'as l'impression d'être inutile et encore plus quand tu joues du coup. Pas d'échappatoire, t'es comme une larve à l'abattoir. De la de merde dans la mâchoire, déclare ta flamme à ta main droite. Décale, je te ferai pas de cadeau si je te rechope à bédave. Fais le malin qui veut pérage, te nique ta race devant tes gars d'ailleurs. D'ailleurs tes gars sont romains, sont encore plus atteints que toi sans blague. Je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver. T'es bon qu'à faire les 100 pas. Mais quand vas-tu prendre ta vie en main, rendre ta mère ravie. Te mettre à ta fée au lieu de tenter de ressusciter Zach Rabin. Branleur, la vie de ma mère, je suis pas un branleur. Je vous le dis, je suis pas un branleur. Le père de Charles, c'est pas un branleur. Branleur, branleur. Si je vous dis que je suis pas un branleur, la vie de ma mère, je suis pas un branleur. Nique ta mère, je suis pas un branleur. Branleur. Sur une prod de celui qu'on blasadé. Vald à l'instant en live sur Skyrock entre 20 et 21 à découvrir toute la semaine. Ça va Vald? Ça va très bien et toi-même? Bien. Je pense que là on a fait le taf, au moins maintenant les gens savent ce qu'on fait. Savent ce qu'on peut donner. Bon, certains sur Ding Dong, on va pas balancer. Non, mais vas-y, balance, parce que moi, écrou, moi, je te dis, il faut qu'on aille ce qu'on fait ces dimanches. Parce que c'est pas. Ah oui, alors, ce morceau, c'est un morceau un peu particulier. Oui, alors, parlons un peu de Ding Dong, là. Voilà, alors, Ding Dong, en fait, on l'a fait hier, on s'est dit, c'était une superbe idée. Et alors, en live, est-ce que ça reste toujours une super idée? C'est une super idée, mais on l'a enregistré ce week-end aussi, franchement, les gars, fallait le dire que. Il nous faut un jour de plus, quoi. Un jour. Bah ouais. Hein, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Bah, vous le referez d'ici la fin de semaine, attends, on est lundi. On est lundi. Gros, t'es déçu autant que moi? Il me dit oui, alors ça veut dire qu'il est déçu. On va aller se confesser parce que c'est pas bien. Ding Dong, incroyable morceau. Incroyable morceau, donc il y a un morceau que pour un son on ne peut trouver et entendre que sur Skyrock, puisqu'il a été fait ce week-end, c'est ça? Complètement. Exactement. On peut même pas l'entendre jusqu'au bout. Ouais, ça par contre. Ah si, il était fini. C'était fini, hein, le morceau il a été fait en entier. Après, il y a quelques phrases qui ont été oubliées. Mais voilà. Pour la fois que t'as entendu le début, la maquette, c'était sur Skyrock en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de donner que du commercial bien fait, tout propre. Je pense qu'il faut donner aussi les maquettes ratées. Ouais, et bah écoute, c'était réussi ce soir, en tout cas bravo. Ouais, mais la maquette n'est pas ratée. Ouais, bah oui, puisque c'est une maquette. Étant donné que c'est une maquette. Mais l'instru est incroyable. Tu veux dire ça, que c'est l'instru, elle est chaude. Inch nous parle de l'instru ou pas? Bah, c'est toi qui l'as réalisé, Inch? Bah, tout à fait. Enfin, c'est même toi qui l'as créé d'ailleurs, l'instru. Ah, je l'ai créé. De bout en bout. Qui est né comment? Il y a eu un moment particulier, je sais pas, une étincelle, un truc, tu étais dans un endroit. Ouais, c'est vers 10h du matin, une fois que t'as pas dormi, mais en fait, au final, tu fais des trucs assez incroyables quand t'as pas dormi. Parce que lui, c'est un vrai insomniaque, il dort jamais. Je fais que ça. Je me demande comment il fait des fois, mais. Enfin, la je drogue. Sais comment il. Non, pas du tout. Quelle est la drogue? Non, qui a dit la drogue? Tu dis ça parce qu'il a un t-shirt drogue. Ouais, est-ce que j'ai un t-shirt drogue? Non, moi j'ai un t-shirt Le Gouffre. Chameau, il y a marqué. Le Gouffre. Chameau, ouais. Le Gouffre. La légende de Chameau. La légende de Chameau. Très bien, bah. C'est tout un univers à découvrir d'ailleurs, cette semaine entre 20 et 21. D'ailleurs, faudrait que j'attrape le producteur de la marque drogue parce qu'au bout d'un moment. Faut me payer quoi. C'est une marque que tu portes, d'ailleurs on peut la voir tout de suite hein, sur le Skyrock FM ou alors avec l'application Skyrock. Ouais, venez la voir, venez la voir. Venez mater ce magnifique sweat que tu portes. Par contre, je m'appelle pas Vlad, bordel de merde. Ah oui, je merde. V-A-L-D. Mais d'ailleurs, d'où nous vient ce nom Vald? C'est un blast de rappeur quoi. Voilà, c'est ça, c'est un truc. Mais toi aussi, tu te souviens quand il arrivait Vald? Tu t'es dit merde. Ouais, je vais m'appeler Vald. Ouais, parce qu'en fait, à un moment. Je vais faire carrière dans le rap et je vais m'appeler Vald. Il y a un gars qui dit ce groupe devrait arrêter le rap et vite. Bah ok, d'accord, on arrête. Bon, c'est quoi là? Tu pourras nous écouter que sur internet. Non, alors Vald, revenons à ce nom, l'origine de ce nom, de ce blaze comme on dit dans rap. Parce qu'à un moment il y avait une application qui s'appelait MSN et fallait une adresse.

Ouais, tout à fait. Donc demain Vas-y, demain on est là. On fête Noël avec toi, on fêtera le réveillon aussi mercredi avec toi. Ça tue, ça, je vous prévois un énorme freestyle avec plein d'invités. Comme tu n'as pas de famille, on s'est dit, voilà, ce sera entre 20h. Je n'ai pas de famille. Je sais pas, bah écoute, on saura ça peut-être mercredi. Entre 20h et 21h pour le réveillon avec toi. Bon d'abord à mes parents, putain. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, des fringues Watibé, plus l'intégrale du Watibé en CD. Anthony Daubagne, comment ça va Anthony? Salut toute l'équipe, ça va? En pleine forme, prêt à faire tourner la roulette Anthony? Parfaitement prêt. Eh ben on y tranquille. Va mon pote, c'est parti, une grosse roulette avec une voiture à la clé peut-être pour toi. Tirage au sort le 5 janvier chez Diffoul le matin. Dans le morning de Diffoul, et pour toi Anthony c'est... Et ben voilà. En attendant la bagnole, la Total Watibé, tous les sons du label Watibé, c'est pour toi, on t'envoie ça du côté de Daubagne. Vous êtes au top les gars. Et je prends ta petite fiche, je vais la glisser dans l'urne, dans le chapeau Skyrock, tirage au sort, le 5 janvier pour la Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros, à pas louper. Hein. Merci beaucoup les gars, franchement merci. Et bah de franchement, rien. Franchement vous êtes au top, je vous suis depuis des années, je continuerai à vous suivre tout le temps, vous êtes vraiment au top. Et bah terrible, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas, et je vous souhaite une excellente soirée. Et à toi aussi. Merci à l'équipe et Skyrock. Bonne merci. Fête à toi avec les fêtes qui arrivent en tout cas. Merci à toi et merci d'avoir été avec nous pour la roulette. Merci Val, demain le retour. Pas de soucis, vas-y, match retour demain. À pas louper, entre 20h et 21h. Vald NQNT, c'est ce qu'on découvre tous les soirs de la semaine. Et là, il est grand temps de retrouver Diffoul. C'est parti, c'est la radio libre.